qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les Franco-Gourmandes, c'est le titre d'un festival musical et gastronomique qui sera inauguré tout à l'heure à 16h dans la ville de Tournus, en Saône-et-Loire. Autant dire qu'aujourd'hui, Franck Ferrand nous parle de gastronomie. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors vous savez que nous avons quelques originaires de la région dans le bureau, là-haut, à Europe 1, et qu'il paraît, on m'a appris ça moi tout à l'heure, qu'on ne doit pas dire Tournus, mais Tournus. Alors pour tous les habitants de la région, nous dirons bien, fidèlement, Tournus. Je ne sais pas si c'est l'heure idéale pour parler de cuisine et de mœurs culinaires, mais ce que je peux vous dire, c'est que Tournus est le lieu indiqué pour le faire. Bien manger, bien cuisiner, ça fait partie des traditions locales. Ai-je besoin de vous révéler l'identité de mon invité principal d'aujourd'hui ? Jean-Luc Petit-Renaud nous fait le plaisir d'être avec nous, bien entendu. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, on vous aura en ligne l'un des quatre chefs étoilés de Tournus. Jean-Michel Carrette, qui nous révélera ses secrets de fourneau. Antoine Monin est également avec nous. C'est lui qui organise ce festival des Franco-Gourmandes. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avant de parler de ce que nous avons dans l'assiette, un petit mot de l'assiette elle-même peut-être. Et j'emprunterai ce mot-là à J'ai le nôtre, le pape de la petite histoire qui est un peu notre parrain finalement dans cette émission. À force de le citer, on va pouvoir le considérer. Voilà ce qu'il écrivait. On était là juste au lendemain de la Grande Guerre. Deux fois par jour, disait-il, en nous mettant à table, nous trouvons devant nous l'assiette de porcelaine blanche, le linge fin recelant un petit pain doré, le couvert d'argent disposé à portée de main, le verre de cristal, le sel blanc, le poivre, je ne poursuis pas l'énumération, et jamais, jamais il ne nous vient à ce moment une pensée reconnaissante pour l'innombrable lignée d'ancêtres de goût ou de génie dont le labeur, le talent, les souffrances et le merveilleux effort vers le mieux nous valent ces commodités et ce bien-être si coutumier que nous n'y prêtons même plus attention. C'est vrai qu'il a fallu, bien entendu, une évolution très progressive au fil des siècles pour que ce couvert, cette table à la française qui a fait la réputation d'art de vivre de notre pays dans le monde entier, finisse par se fixer avec des évolutions. D'ailleurs, nous parlerons tout à l'heure de ces évolutions avec mes invités. Il faut bien comprendre que tout ça est une sorte de conquête sur les siècles. Le pain, demande le nôtre, c'est une très récente conséquence de l'industrie. Celui que mangeaient nos pères était roux, sec, plein d'avoine et d'orge. Le fameux pain de Gonesse, si vanté au XVIIIe siècle, n'arrivait à Paris que deux fois par semaine et les gourmets s'en délectaient tout en s'y cassant les dents. Le beurre, demande-t-il ? Des régions entières n'en goûtaient jamais. Le midi, par exemple, où s'est perpétuée, et pour cause, la cuisine à l'huile. La viande ? Que pouvaient être ces bêtes pâturant au hasard dans les jachères, dans les forêts, ces bœufs et ces vaches nourries de feuilles d'arbres ? Le troupeau moderne est l'œuvre d'agriculteurs anglais et hollandais qui, à la fin du XVIIIe, ont commencé à sélectionner habilement les animaux de boucherie et à obtenir des sujets donnant le maximum de viande et le minimum d'eau. C'était l'inverse, autrefois, évidemment. Le poisson, demande-t-il encore ? Celui de mer était si rare au XVIIe siècle qu'à l'époque du carême, le grand Condé tirait un revenu de plus de 100 000 livres du poisson pêché dans son lac d'Enghien. Et les légumes ? On avait comme farineux que le pois chiche et la fève, trop délaissés. Le haricot, l'asperge et le melon comptent à peine 4 siècles d'acclimatation. L'aubergine, le salsifis et le chou-fleur ont 100 ans de moins. Le petit pois date de Louis XIV et le XVIIe siècle a conquis la betterave, la tomate et la pomme de terre. Non pas le XVIIe, il y a une coquille dans le texte. Le XVIIIe évidemment pour la betterave, la tomate et la pomme de terre. Le vin, demandait-il encore ? On ne le mettait pas en bouteille pour la bonne raison que la bouteille n'était pas inventée. On le tirait au tonneau, il s'aigrissait, s'éventait, et la coutume était d'abandonner à la domesticité la barrique aux trois quarts vide. Il faut bien comprendre qu'effectivement, nos mœurs ont beaucoup changé sur le plan de la table. Pendant très longtemps, vous savez, il y avait bonbance de temps en temps. Alors il faut savoir que les fêtes religieuses étaient quand même fréquentes et que, assez souvent à cette occasion, on organisait des banquets, des repas substantiels, etc. Et puis le reste du temps, on grignotait ce qu'on trouvait ou ce qu'on avait l'habitude de manger, même dans les classes les plus aisées. Je parle dans la bourgeoisie des villes à partir du 14 ou 15e siècle. Il ne faut pas croire du tout que l'on fasse une chair très substantielle. Je m'étais amusé en travaillant sur l'affaire Calas. On est donc là dans les années 1760 à Toulouse, donc une époque relativement proche de nous, on apprend par le rapport de police exactement ce qu'étaient en train de manger les Calas ce soir-là. Donc on est un soir de semaine chez de bons et même riches bourgeois de la ville de Toulouse et on se rend compte que ce qu'ils mangent, c'est quand même assez substantiel. Il y a du pigeon farci, il y a de la caille, enfin vous avez plusieurs volailles qui sont comme ça servies au cours d'un repas simple, du fromage et les légumes, ce que nous appelons les légumes, qu'on appelait essentiellement les racines à l'époque, on n'en trouve pas ou vraiment très peu. Alors vous savez que la façon de dresser la table était très différente autrefois, bien entendu. On avait des nappes extrêmement volumineuses que l'on repliait progressivement au fil des services, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de serviette à l'époque, donc on s'essuyait à la nappe. Donc pour quand la nappe était maculée, bien on la repliait sur elle-même simplement et on servait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième service. On ne posait pas de verrerie sur la table, ce ne serait venu à l'idée de personne. Vous aviez, en tout cas dans les familles où l'on pouvait avoir des verres, parce que évidemment chez la plupart des gens, on buvait dans des timbales de différents matériaux, mais là où vous aviez des verres, eh bien, vous aviez derrière un serviteur qui portait sur un petit plateau le verre qu'il retirait à chaque fois et qu'il vous redonnait au moment simplement où vous vouliez boire. Et puis, pas de fourchette, de cuillère, de couteau, tout ça était bon pour la cuisine ou l'office. À table, on se servait des trois doigts de la main droite, qu'il fallait donc assez souvent laver et essuyer. Vous l'imaginez donc. Il a fallu 4 siècles, nous dit une historienne américaine de la table, du Moyen-Âge à la fin du 18e, pour que les convenances de la table passent de l'usage des doigts et des tranches de pain. Parce que vous savez qu'on n'avait pas, on utilisait très peu d'assiettes, même les assiettes d'étain, en fait. On utilisait ce qu'on appelait le tranchoir, c'est-à-dire une grande tartine de pain sur laquelle on posait ce qu'on avait à manger. Donc pour que l'on passe de l'usage des doigts et des tranches de pain tenant lieu d'assiettes à ceux des verres, des assiettes individuelles ainsi qu'aux couverts comportant une fourchette. Alors le service était assuré évidemment par un bataillon de domestiques et pas seulement d'ailleurs chez les plus privilégiés car la main d'œuvre ne coûtait pas cher sous l'ancien régime et il fallait effectivement beaucoup de monde pour changer ses nappes, pour changer ses couverts, pour apporter ses verres, etc. Vous imaginez, c'était presque un cérémonial. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant très longtemps, ce cérémonial-là a été le principal loisir, la principale occupation festive de nos ancêtres qui n'en avaient pas tant. Évidemment, il n'y avait pas de cinéma ou de télévision, encore moins de radio, enfin pas moins, mais pas plus de radio à l'époque. Le moment de détente de la journée pour une immense majorité de ceux qui vivaient au XVIIe, au XVIIIe siècle, le moment de détente, c'était précisément le repas. Et donc ce repas prenait une importance tout à fait considérable. Quant au métier de cuisinier lui-même, il n'était pas réservé, ça aussi c'est intéressant, il y a une spécialisation progressive qui n'arrive pour l'essentiel que sous le règne de Louis XV. Mais pendant longtemps, le cuisinier n'était qu'un des domestiques et il était, en fonction des usages et des besoins, il était affecté à différentes tâches bien entendu. On aimait être affecté aux cuisines à l'époque, pour une raison simple, c'est que les cordonniers ayant beau être les plus mal chaussés, quand vous êtes généralement dans une cuisine ou un office, vous risquez moins la disette ou la famine. Vous êtes généralement aux premières loges pour être bien servi et pour avoir les fameux morceaux de choix. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'art de la table à la française. Alors, quand je dis table, vous avez bien compris qu'il y a à la fois service et puis cuisine. On va essayer de lier les deux, évidemment, car ils ont évolué de pair. Alors, le premier règne, je vous propose d'entrer, si vous voulez, un peu dans l'intimité de nos rois et reines. Le premier règne où se fixent les grands repas tels que nous les connaissons, c'est le règne d'Henri IV, avec d'ailleurs des horaires assez différents, puisque si l'on en croit Joseph Duchesne, qui était le médecin ordinaire du roi, il recommandait qu'il n'y ait pas de déjeuner le matin. Il estimait que c'était pas bon pour la santé. Déjeuner, comme son nom l'indique au départ, hein, c'était servi le matin, bien entendu. Ensuite, le dîner devait avoir lieu, disait-il, entre 10 et 11 heures, et non pas à midi, 13 ou 14 heures, comme on le connaissait. Entre 10 et 11 heures le matin, et le souper était à 6 heures. Puis, disait-il, sur les 9 heures en été, il sera temps d'allumer chandelle et de penser à s'aller coucher. Vous voyez quand même que les journées étaient d'une certaine manière assez expédiées. Alors, faut vous dire un mot quand même de ce qu'on mangeait hein, à la table d'Henri IV. Beaucoup de ragoût à l'époque. Le roi d'ailleurs aimait beaucoup, lui, tout ce qui était en sauce. Des poissons d'eau douce. Des escargots frits bouillis à la brochette, des grenouilles, des couleuvres qu'on mangeait, les hérissons également étaient mangés à l'époque. On trouvait que c'était une chair très très délicate, beaucoup de fromage et puis alors des fruits en quantité qu'on était en train peu à peu d'acclimater sous nos cieux et on découvrait avec ravissement les cerises, les fraises, les pêches, les poires etc. Bien entendu, surtout pas de pommes les jours de fêtes religieuses et encore moins Noël parce que la pomme c'était le fruit défendu d'Ève. Attention, il fallait quand même faire fallait rester tout à fait conforme aux prescriptions de la religion. Celui qui va accorder une importance parmi nos rois, celui qui va accorder une importance spécifique, nouvelle, à la cuisine, c'est Louis XIII, dont on dit qu'il cuisinait lui-même, figurez-vous. Son grand plaisir, nous dit un chroniqueur, est-toi de se rendre à l'office, de se mêler au maître d'hôtel et d'aller servir les courtisans des plats qu'il avait lui-même mijotés. Et c'est vrai qu'on voit Louis XIII faire sa fameuse omelette à la diable, car il cuisinait particulièrement bien les œufs. Il aimait faire lui-même le service. Enfin, il avait un côté comme ça très simple, qu'on retrouvera un petit peu plus tard chez Louis XV d'ailleurs, qui fera lui-même sa cuisine avec son célèbre cuisinier Lazur. Et on sait que dans les petits cabinets de Versailles, Louis XV s'était fait aménager des cuisines tout à fait exprès pour lui, pour pouvoir être là. Quand je dis des cuisines, ce que nous appelons nous aujourd'hui des cuisines. Avec notamment les petits fours, les étuves, les potagers, etc. On reviendra un peu sur tout ça tout à l'heure, bien entendu. Je n'insiste pas sur Louis XIV qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, passait pas beaucoup de temps à la cuisine, mais passait beaucoup de temps à table. En revanche, entre 5 et 6 heures par jour, en engloutissant d'ailleurs des quantités phénoménales de nourriture. Hein, c'est Saint-Simon qui nous dit qu'on se demandait où tout ça disparaissait. Et les médecins ont répondu à la question, puisqu'au moment de l'autopsie de Louis XIV, on s'est rendu compte qu'il avait un estomac d'une taille absolument anormale. Donc il fallait combler évidemment cet estomac. Louis XVI était un peu du même genre. Vous connaissez l'anecdote, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, au souper de noces de Louis XVI, on voit le jeune, enfin il n'est pas encore Louis XVI, c'est le dauphin Louis. Il est en train de se gaver de toutes sortes de gibier, de terrines, etc. Et son grand-père, le roi Louis XV, qui est là à côté, qu'il voit, et qui voit la pauvre petite dauphine qui vient de se marier le matin même, ouvrir de grands yeux, lui dit « Mais faites un peu attention, ne vous chargez point trop l'estomac pour cette nuit. » Et alors là, le dauphin se retourne vers son grand-père, il dit « Mais pourquoi cela? Je dors tellement mieux, moi, quand j'ai bien soupé. » Oui, ça explique peut-être. Comme on dit, ceci explique cela. Alors, vous savez qu'il y avait des usages, bien entendu, et que, sous le règne de Louis XVI, les usages atteignent un niveau de raffinement extraordinaire. Et on raconte cette célèbre anecdote de l'abbé Cosson, qui était professeur de seconde au collège Mazarin, et qui rencontre le poète de Lille et lui dit qu'il venait de dîner chez l'abbé de Radonvilliers en compagnie de grands personnages de la cour. Alors, le poète lui dit « Je parie que vous avez fait cent incongruités ». « Et comment donc? Il me semble que j'ai fait la même chose que tout le monde. Quelle présomption !» lui dit de Lille. « Je gage que vous n'avez en vérité rien fait comme personne. Mais voyons, que fîtes-vous de votre serviette en vous mettant à table ?»« De ma serviette, je fis comme tout le monde, je la déployais, je l'étendis sur moi et l'attachais par un coin à ma boutonnière. » « Eh bien, mon cher, vous êtes le seul qui ayez fait cela. On étale point sa serviette, on la laisse sur ses genoux. Et comment faites-vous pour manger votre soupe ?»« Eh, comme tout le monde, je pense. Je pris ma cuillère d'une main et ma fourchette de l'autre. Votre fourchette, bon Dieu, personne ne prend une fourchette pour manger sa soupe. » Il faut savoir que quand on parle de soupe, à l'époque, il y avait autant à manger qu'à boire. Hein. Il y avait des légumes, de la viande, etc. « Mais poursuivons. Après votre soupe, que mangeâtes-vous ? Un œuf frais ?» Et que faites-vous de la coquille? Je l'ai laissée au laquais qui me servait, sans la casser? Sans la casser. Eh bien, mon cher, on ne mange jamais un œuf sans briser la coquille. Et après votre œuf? Je demandais du bouilli. Du bouilli? Personne ne se sert de cette expression. On demande du bœuf et point du bouilli. Et après cet aliment? Je priais l'abbé de Radonvilliers de m'envoyer d'une très belle volaille, malheureux de la volaille. On demande du poulet, du chapon, de la poularde. On ne parle pas de volaille, ou alors à la basse-cour. Mais vous ne dites rien de votre manière de demander à boire. Oh, j'ai comme tout le monde demandé du champagne, du Bordeaux, aux personnes qui en avaient devant elles. Sachez qu'on demande du vin de champagne et du vin de Bordeaux. Eh, on rompt son pain, on ne le coupe pas, avançons. Le café, comment le prîtes-vous ? Et pour le coup, comme tout le monde, il était brûlant, je le versais par petites parties dans ma tasse, de ma tasse dans ma soucoupe. « Eh bien, vous fîtes comme ne fit sûrement personne. Tout le monde boit son café dans sa tasse et jamais dans sa soucoupe. Vous voyez, mon cher Cosson, que vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas dit un mot, pas fait un mouvement qui ne fût contre l'usage. » Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'art de la table et de la cuisine à la française. Alors, à la place d'honneur dans les repas de nos aïeux, figurait ce qu'on appelait le rô. Vous avez vu que tout à l'heure, en parlant de bœuf, j'ai employé l'expression bouilli, parce qu'effectivement, tout ce qui était gros animaux, hein, le bœuf, évidemment le même, jusqu'au mouton, on le faisait bouillir tout simplement parce que la viande à l'époque était quand même largement de la carne. Hein, il fallait que ça cuise longtemps. On pouvait pas faire un beau rôti de bœuf comme on fait aujourd'hui, ça n'existait pas du tout, tout simplement. Et puis, tout ce qui était en revanche animal plus tendre et plus noble était rôti. Qu'est-ce que c'est qu'un rô, hein, on dirait nous aujourd'hui un rôti, c'est de la viande cuite à la chaleur sèche, c'est-à-dire à la broche, sur le grill, dans la cheminée ou la rôtissoire, voire exceptionnellement au four, même si à l'époque ça n'était pas du tout recommandé. Alors, il y avait à la fois entrée de broche, ce qu'on appelait les entrées de broche, c'était toutes les très petits gibiers, etc., qu'on considérait comme moins goûteux et qui ensuite étaient mis dans un ragoût ou une terrine et qui étaient servis en entrée ou en entremets. Et puis vous aviez le rô lui-même, qu'on appelait le plat de rô, alors dans lequel entraient toutes sortes de volailles, de gibiers à plumes, de jeunes bêtes à poils comme les levraux, les lapreaux, les marcassins, les agneaux, etc. De temps en temps, quelques pièces de gros gibier, mais qu'on était obligé précisément pour l'attendrir et pour le rendre peut-être aussi plus agréable, qu'on était obligé de mettre à mariner. Donc, il y avait une sorte de noblesse particulière dans le rô. Vous connaissez l'expression de Brillat Savarin, bien sûr, hein, on devient cuisinier, mais on est rôtisseur. C'était un art particulier que de savoir tourner ainsi à la broche les viandes les plus délicates qui constituaient le principal plat, en tout cas en période normale, parce qu'alors il y avait évidemment les jours de maigre. Et très paradoxalement, ce qu'on appelait les jours de maigre, c'était pas des jours où on mangeait moins bien, mais où l'on avait tendance à manger mieux, mais autrement, et notamment de la marée. Alors, toute l'histoire de la marée, vous savez, ça nous rappelle une émission que nous avions faite avec Jean-Luc sur l'histoire des Halles, d'ailleurs de Paris. Je vous avais expliqué que le poisson d'eau douce était vendu par des poissardes et que le poisson d'eau de mer était vendu par des harengères. Et que les unes, voulant évidemment vendre leurs marchandises contre les autres, elles criaient de plus en plus fort, d'où l'expression « une harengère » ou « une poissarde », etc. Eh bien, de la même façon, cette marée a été peu à peu est devenu le raffinement suprême de la table des Français. La qualité des produits de la pêche était surveillée par les autorités qui imposaient aux marchands de strictes mesures d'hygiène, nous dit André Castelot. En 1776, le Parlement de Paris décida par ordonnance que la marée fraîche amenée aux Halles serait visitée, je cite, « pour connaître si elle n'est point gâtée, viciée ou corrompue, auquel cas il sera dressé procès-verbal par l'huissier de garde ». au raffinement suprême de la marée. Ce qu'il y avait de mieux, en quelque sorte, c'était l'huître, bien entendu, qui s'est mise à conquérir la France à partir de l'Empire et qui est devenue véritablement très très répandue sous le règne de Louis-Philippe. On en consomme un si grand nombre à la fin du règne de Louis-Philippe qu'il était courant d'entendre dire, avant la révolution de 1848, la France ne danse plus sur un volcan, elle saute sur un banc d'huîtres. Et Alexandre Dumas, qui a les huîtres, dit qu'on lui a, on lui avait signalé un jour qu'il n'y aurait bientôt plus d'huîtres, qu'elles allaient disparaître. « Je n'y ai pas cru, dit-il, mais j'ai pensé que leur prix monterait, et je ne me suis pas trompé. Que deviendrions-nous sans huîtres? C'est le trésor des gourmands. » Ce n'était pas tout à fait l'avis de Voltaire, qui de son côté, et j'aime beaucoup l'expression, disait « Je trouve barbare de manger tout cru, un si joli petit animal. » Il ne m'était jamais venu à l'idée que l'huître fût un si joli petit animal. Bonjour Jean-Luc Petit-Renaud. Bonjour. Bonjour Antoine Monin. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai parlé là de la cuisine de nos arrière-arrière-grands-parents. Je vous propose maintenant d'évoquer la cuisine de nos parents et grands-parents et de voir comment tout ça, dans la période beaucoup plus récente, a évolué jusqu'à nous. Ouais. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la table d'hier à nos jours avec vos invités. Jean-Luc Petit-Renaud, critique gastronomique, animateur radio-télé qui présente de nombreuses émissions gastronomiques et culinaires. Et Antoine Monin, président de Morgan Evans, qui organise les Franco-Gourmandes. Alors, nous avons pas mal de réactions, évidemment, et notamment ce message qui arrive de Christophe via Facebook et qui nous dit « Jean Duclou, du restaurant Greuze, du nom évidemment du célèbre peintre Greuze qui est originaire de Tournu, avait à Tournu sans doute le plus riche livre d'or de la restauration française, me dit-il. Je me souviens du commentaire d'un client, ouvrez les guillemets, si Greuze en une croûte a bien cassé la cruche, ça fait allusion au tableau La cruche cassée hein, de Greuze, moi chez Greuze j'ai bien cassé la croûte. Vous l'avez connu vous Jean Duclou, évidemment. Ah, Jean-Luc oui, Petit-Renaud. Oui. Un vrai bonheur puisque c'était une des premières fois où je le rencontrais, j'arrivais par le train et il neigeait comme c'était pas possible, il y avait 50 cm de neige au-dessus du mollet et donc j'arrivais comme ça en pataugeant dans cette neige fraîche avec mon bagage et il m'attendait à l'intérieur de son restaurant, donc cette magnifique enseigne Greuze à Tournu, avec la tomette rouge. Je pousse la porte, il y avait un feu de cheminée, et là, il m'attendait avec la toque, comme à cette époque où il fallait avoir la toque sur la tête. Évidemment. Et il dégaine une bouteille, il n'y a pas d'autre mot, il dégaine une bouteille de Mâcon Blanc qui était dans un seau avec de la glace, et il fait jaillir comme ça l'eau derrière. Tout était arrosé sur les tomates rouges et puis le vin blanc partait et il me dit « Mon petit Jean-Luc, bienvenue à Tournu ». Vous comprenez pour quelle raison le festival a lieu ici. Oui, en fait, ça s'imposait. Hein. C'était obligatoire, Antoine Monin, cette ville de Tournu, pour accueillir un tel festival. Oui, pour plein de raisons. On voulait créer un festival musical et gastronomique, donc un festival où on mange bien, recréer un peu l'esprit du banquet. Puisqu'on est dans une émission d'histoire et que avant de manger devant la télé, c'était peut-être plus intéressant de manger en écoutant de la musique. Et donc on cherchait à s'installer dans une région déjà qui porte la cuisine et les bons produits. Donc la Bourgogne était tout indiqué. Et la ville de Tournu, avec ses chefs étoilés, avec son histoire gastronomique, avec son charme aussi, était vraiment idéale pour accueillir le festival. Alors j'ai commencé cette émission en évoquant J'ai le nôtre, Gosselin le nôtre, et il nous disait qu'il se met à table deux fois par jour avec cette belle nappe blanche damassée, avec cette porcelaine, le petit pain doré, dit-il, plié dans la serviette, et le couvert en argent, etc. Mais ça, c'était en 1920 ou 1921. Presque 100 ans plus tard, tout ça a déjà bien évolué, Jean-Luc. C'est-à-dire que tout ça est en perpétuel changement, en vérité. Oui, parce que on a connu des modes et que l'idée de manger était du temps perdu, puisqu'on a voulu ressembler aux Américains. Donc on s'est dit que passer à table était un temps un peu perdu. Donc il fallait manger très vite. Si vous regardez les hommes d'affaires aujourd'hui dans leur costard, ils ont l'air un peu tristes parce qu'ils ne gaspillent plus du temps à table. La table, c'est un moment où on va pouvoir gaspiller du temps. Alors, il y a dans les années 50, 60, la table, elle est représentative d'un style de vie. Ça veut dire que le patron de la scierie de Commentry près de Montluçon a un style de vie dans l'auberge des Lilas où il se rend régulièrement. Il a sa voiture un peu noble, il se gare en double file. Bien suspendu. Voilà, bien suspendu. Et il arrive et il va manger un homard à l'armoricaine, par exemple. Et donc, uniquement les plats que l'on va manger sont des plats représentatifs de votre niveau social. Et ça, c'est un truc génial dans les années 50-60. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai où tu te trouves. C'est-à-dire que, on disait, quand il mange ça, il représente son rang social. Bien sûr, il y avait la table ouvrière. D'où toute la mode des routiers le long des routes, c'est-à-dire qu'on était en salopette bleue avec Monsieur Bernard au volant du Berlier qui s'arrêtait chez Madame Zézette parce qu'elle faisait un magnifique bœuf bourguignon le mercredi et tout ça. Il y avait deux tables, il y avait une table des patrons et il y avait une table des ouvriers. Et moi ça me plaît beaucoup cette idée-là, parce que lorsque le fils de la Syrie de Commentry prend la succession de son père qui meurt d'un infarctus, et donc il prend la succession et il veut manger les mêmes plats que son père pour entrer dans le même style bourgeois que son père. Et ça c'est quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire que la table, l'idée d'une sauce large, l'idée du vin va aller avec un rang social. On ne peut pas se mélanger. On est là dans quelque chose de très représentatif. Je mange comme mon père, donc j'appartiens à une caste sociale. Mais est-ce qu'avec des codes, évidemment, et des attributs aujourd'hui très différents, ça n'est pas toujours un peu la même chose, finalement? Sauf que maintenant, il ne faut pas du homard à l'armoricaine pour marquer son style. Il faut plutôt trois bouts d'asperges vertes avec une petite vinaigrette balsamique et un peu de jambon serrano. Bien sûr, mais ça c'est toute l'évolution, ce que vous êtes en train de souligner. C'est-à-dire que la table, à cette époque-là, était la représentation de l'épaisseur du portefeuille. C'est-à-dire, il a un portefeuille épais. Et quand l'aubergiste, Madame Ginette, disait, en parlant de mon patron de Syrie, « Monsieur Machin, il sait manger », ça veut donc dire « il sait payer ». Et il sait vivre, Il sait vivre et il sait payer. Et donc, la génération suivante, le fils, il prend les babouches de son père pour aller manger exactement les mêmes plats. Alors après, ça va évoluer très vite, parce que subitement, on rappelle qu'il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de cuisine un peu familiale, il n'y a plus de cuisine où madame est un peu au poêlon en train de faire revenir les légumes à partir de 17h pour son petit mari. Une petite voix vient lui dire « Tu veux être esclave toute ta vie pour faire la cuisine, il faut te libérer. » On est avant 68. Et là, subitement, on dit « Mais regarde comme c'est idiot cette affaire, alors que tu peux acheter tout fait dans une petite barquette ce que ton mari pourrait trouver fait par tes mains. » Et subitement, le mari, le soir, lorsqu'il arrive de son entreprise, il goûte son plat et il dit « Qu'est-ce que c'est bon ce que tu as fait, Ginette ?» Et là, elle dit, elle répond « C'est pas moi, c'est... » Et elle donne le nom d'une marque, c'est-à-dire qu'elle comprend à ce moment-là qu'elle peut être remplacée par des choses toutes faites, en barquette, etc. Et donc là, il y a une bascule formidable, parce que cette même dame découvre Véronique et Davina qui font « Toutouyoutoutoutoutouyoutoutou » Comment maigrir en 10 secondes sans cuisiner? Comment on appelait ça? L'aérobic. L'aérobic. Et donc, il y a cette évolution, c'est-à-dire que on retrouve, plutôt qu'une cuisine familiale qui va abêtir une épouse, eh bien, on va prendre en barquette quelque chose fait par l'agroalimentaire. C'est tout ce début-là. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va lâcher prise. Et puisque j'ai constamment essayé de parler à la fois cuisine et table, la table elle-même se modifie. Ah oui. C'est-à-dire que les choses sont un petit peu moins ritualisées qu'autrefois. Oui, oui. Les horaires, le temps qu'on y passe, la façon de mettre le couvert, le linge de table. En parlant de linge de table, j'étais frappé. Le président de la République a reçu l'autre soir à dîner le président des États-Unis dans un restaurant privé, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et j'ai été frappé de voir, et sur une table quasiment nue avec des couverts ultra dépouillés. Enfin, on avait l'impression d'être dans un... Enfin, ça ne faisait pas du tout grande table à la française, pour le coup. Quelle évolution, très étonnant. Ça a beaucoup bousculé, c'est-à-dire que d'avoir des jolis bouquets de muguet sur au mois de mai, tout ça a énormément, énormément bougé. Alors, il faut bien faire une différence entre une table très parisienne et une table de province. Parce qu'une table de province, peut rester une table un peu protocolaire, un peu aguicheuse, et où on prend le temps d'avoir 2 heures d'apéritif avec ses vins, avec des crèmes de cassis, comme on boit du côté de Tournu, c'est-à-dire ces fameux kirs. Et donc, on a cette, ça bouge sérieusement dans la demeure. À Paris, il faut que ça aille très vite, on passe tout de suite au plat. Eh bien, parce que on a décidé que c'était une perte de temps de passer à table. Ouais. Donc, nous n'avons plus, contrairement à Lyon, encore aujourd'hui, nous n'avons plus de pause d'une heure et demie pour passer à table. On n'a que des vilains qui sont un petit peu blancs d'ailleurs, même s'ils prennent le soleil, dans des costumes gris, qui chopent la table. Ils essaient de se débarrasser de ce moment pénible qui est de se nourrir. Or, la nourriture est quelque chose qui rend beau. Regardez toujours dans un embouteillage un homme qui a bien mangé. Il va laisser la priorité à gauche, à droite, devant, derrière, il s'en fout, parce que l'homme est comblé. Et l'agressif, c'est celui qui avait une biscotte avec une crème d'orange, avec un thé sans sucre, et lui va être beaucoup plus, parce qu'il faut qu'il aille au travail, parce qu'il faut qu'il ait du résultat. La table est un frein au résultat. Mais la table peut vous donner une sorte de puissance, de bonheur absolument extraordinaire. Ça vous aide à aimer la table. Jamais on a dit autant je t'aime à une fille qu'en sortant de table. C'est la table qui permet d'être amoureux. Sauf quand c'est comme Louis XVI et qu'on en abuse un peu trop de la table. Enfin, oui, bon. mais sans abuser, mais bon sang de pipe. Un joli vin de Loire frais, servi dans un verre qui roucoule, eh bien croyez-moi que vous faites des conquêtes à ce moment-là. Ah, évidemment. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire de la table d'hier à nos jours avec vous, Franck Ferrand et vos invités, Jean-Luc Petit-Renaud, critique gastronomique, animateur de radio et télé, qui présente, on le sait, de nombreuses émissions gastronomiques et culinaires, ainsi qu'Antoine Monin, président de Morgan Evans, qui organise les Franco-Gourmandes. Alors la table a évolué, nous le voyons avec Jean-Luc Petit-Renaud, au cours des 50 ou 60 dernières années. La cuisine aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on passe du côté des fourneaux et qu'on accompagne les chefs devant leur piano, comme on dit, on se rend compte que tout a changé, ça n'est plus la même façon d'aborder la cuisine. Vous rendez compte, au tout début d'émission, vous disiez le chef c'était un domestique. Au tout départ, oui. Vous imaginez, aujourd'hui, Paul Bocuse, Alain Chapelle dans son histoire, ou les Ducasse et autres, se sont devenus des artistes parce qu'ils sont rentrés justement dans la culture, parce qu'on s'est rendu compte que bien manger... Un peu comme les chefs d'orchestre, on pourrait comparer. Ben exactement. Mais on s'est rendu compte que c'était aussi important que de partager le regard sur une peinture, que d'écouter un très bel opéra et autres. Donc tous ces chefs sont extrêmement proches de tout ça. Et c'est le sens des francopholistes de Tournu, parce qu'ils ont compris qu'on pouvait rapprocher. Quand vous avez un Benabar, comme moi il y a 3 ans, à Montbras, ou un Sanseverino qui a raconté sa gourmandise, je ne savais plus s'il chantait ou s'il me disait s'il fallait rajouter du sel ou du poivre sur un plat. Et ça, c'est fantastique. On va pas tout à fait, Antoine Monin, jusqu'à faire chanter les chefs quand même à Tournu. Ah non, on fait pas chanter les chefs. Là, le résultat n'est pas forcément garanti. Par contre, on fait participer les artistes, comme Jean-Luc Petit-Renaud le disait. On les fait participer, rencontrer les chefs. Il y a des super rencontres qui ont lieu au moment du festival. Et j'aimais beaucoup ce parallèle entre les chefs d'aujourd'hui et les chefs d'orchestre. Parce que quand on les voit préparer le repas, toute la brigade au travail, il y a toute la partie de répétition, si j'ose dire. Et puis quand on est dans la phase du repas et donc de l'envoi, là c'est le chef d'orchestre qui dirige toute la troupe et qui fait partir tous ces plats délicieux. Donc aujourd'hui, oui, c'est vraiment on réunit deux sortes d'artistes, entre les chefs et les artistes musicaux. La Bourgogne, la musique, la cuisine, bref, la vie tout simplement. En plus, vous allez avoir un temps magnifique là, donc ça va être extraordinaire. Super soleil, température idéale, le festival est au bord de la Saône. Au pied de la ville de Tournu. Non, ça va être un super festival. Les chefs sont au rendez-vous, les artistes sont là. Donc on est vraiment vraiment ravis. Et puis on va poursuivre un peu plus l'expérience cette année, puisqu'on organise aussi des petits spectacles culinaires. Donc là, on demande aux chefs de se mettre un petit peu en scène, et en travaillant un peu comme des artistes feraient une impro. Voilà, on va donner un petit panier gourmand avec des produits de la région à quelques chefs, et on va leur dire voilà, vous avez une demi-heure pour composer un morceau, si j'ose dire, improvisé. Vous avez entendu le lapsus de Jean-Luc Petit-Renaud tout à l'heure, il a parlé des francopholies, parce que il faut dire que c'est vous aussi qui organisez les francopholies de La Rochelle. Oui, hein. Oui, c'est aussi le groupe Morgane qui produit les francopholies de La Rochelle depuis une dizaine d'années. Il y a le même esprit, la même ferveur. Oui, oui, c'est vrai que les franco-gourmandes sont un prolongement un peu différent puisque la gastronomie prend beaucoup de place, mais on est dans cette idée de partage avec le public, avec les artistes, dans cette idée de générosité. C'est vrai qu'aux francopholies de La Rochelle, on mange bien aussi. On est au bord de la mer, on est dans une situation différente, mais on voulait vraiment, c'est d'abord pour le public et aussi un peu pour les artistes, c'est de se dire voilà, encore une fois aujourd'hui un festival ça peut être aussi un grand moment de partage, on y passe plusieurs heures en extérieur ou en intérieur, si on peut en plus bien manger, découvrir, et comme la cuisine a évolué et que certains chefs ont réinventé les plats, la façon de les servir, la façon de les présenter, bah aujourd'hui dans un festival on peut manger des très bonnes choses de façon assez simple, dans un esprit plutôt bucolique, banquet, etc. Concrètement, je suis un visiteur des franco-gourmandes de Tournu. Qu'est-ce que je vais voir cet après-midi et demain à Tournu ? Alors, on est dans un grand site en extérieur au bord de la Saône, assez champêtre. Vous avez une grande scène où se succèdent les artistes, toutes les têtes d'affiche, Skip the Use, Louis Bertignac, Christophe Maé, etc. Et entre les concerts, les 20 minutes, 25 minutes de battement habituel où on va changer les instruments, etc. Ben vous pouvez déambuler dans tout le site du festival et il y a trois espaces dédiés à la gastronomie. Un espace qui s'appelle l'allée des chefs. Là, ce sont les quatre chefs étoilés de Tournu qui ont préparé spécialement pour le festival des repas et des plats simples mais délicieux que Jean-Luc a eu l'occasion de tester pour les festivaliers. Là, on s'assoit, on prend son plat, on mange à table avec un bon vin. On a recréé un petit marché aussi avec des producteurs de la région. Donc là, c'est plus simple. On déambule, on peut prendre une petite assiette gourmande, goûter un morceau de fromage, un morceau de volaille, un morceau de poulet de Bresse, ou bien sûr déguster un verre de vin. Et puis il y a cette scène culinaire où les chefs sont invités. Les shows culinaires, les shows en fait. Culinaires, c'est-à-dire, ça fait comme pour les émissions culinaires à la télé, c'est. Oui, mais c'est, on est plus proche du public, on est dans le partage, le produit, on le voit, on peut le faire partager, et puis. On le hume, bien entendu. Et puis surtout, après, on peut faire tourner ce qu'on a fait, on peut le faire goûter au public. Alors, parmi ces chefs étoilés de Tournu figure Jean-Michel Carrette, que nous allons avoir au téléphone dans un instant. Vous me disiez que c'est un personnage extraordinaire, Jean-Luc Petit-Renaud. Oui, parce que tout gamin, il a repris l'auberge de son père, parce que Tournu, il n'y a que des shérifs qui ont des étoiles Michelin. Et ce beau Carrette était un garçon qui a succédé à son papa simplement au pied levé comme ça, parce qu'il y avait un des amours, mais son papa est décédé. Et donc, il a pris comme ça les rênes de cette maison d'une manière absolument exemplaire. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il s'est retroussé les manches et il a redécidé de refaire quelque chose de cette maison. Et il a décroché son étoile au guide Michelin. Pour moi, il fait partie des héros de la chanson et de la table. Eh bien, ce héros de la chanson et de la table, nous allons l'avoir au téléphone dans quelques instants. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire avec la table d'hier et nos jours, à l'honneur cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Jean-Luc Petit-Renaud, critique gastronomique, animateur radio-télé qui présente de nombreuses émissions gastronomiques et culinaires. C'est le monsieur cuisine d'Europe 1, disons-le. Le nôtre. Antoine Menin, président de Morgan Evans qui organise les Franco-Gourmands à Tournu. Et au téléphone, Jean-Michel Carrette, chef cuisinier et propriétaire du restaurant Aux Terrasses à Tournu. Eh oui, bonjour Jean-Michel Carrette. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. On peut dire que chez vous, et c'est ce que nous expliquait Jean-Luc Petit-Renaud il y a un instant, on est cuisinier de père en fils. Voilà, ouais, depuis mon père. Ouais. Avant mon père, c'était plutôt l'agriculture. Oui. Voilà. Alors, votre père lui-même avait été formé par Jean Duclou, ouais. Hein, c'est ça ? Voilà. Et vous avez travaillé chez les Trois Gros à Roanne ? Ouais, quand mon père est décédé, donc en 2005, j'étais en poste chez Michel Trois Gros. Donc, comment est-ce que vous définiriez votre cuisine ? Est-ce que c'est une cuisine de terroir, une cuisine de spécialité bourguignonne ? Oui, alors déjà un petit peu le territoire, parce que je travaille beaucoup avec les acteurs locaux, quoi, pêcheurs, maraîchers. J'ai deux maraîchers bio qui bossent pour moi. Donc, on définit ce qu'ils me font pousser, quoi, et on se prend un peu de temps pour caler tout ça, quoi. Et après, évidemment, les volailles de Bresse, j'ai des fournisseurs un petit peu dans tout le secteur, quoi. Et j'essaye de faire une cuisine, on va dire, actuelle, mais avec des bases solides, quoi, des bases traditionnelles. C'est étonnant de voir ces quatre restaurants étoilés dans la seule et même ville de Tournu. On ne peut pas dire que vous fassiez concurrence, finalement. Vous attirez les amateurs de bonne cuisine, c'est plutôt ça l'idée. Ouais. Ah Ah bah oui, et puis Tournus, c'est un site béni. On est à mi-chemin entre le Nord et le Sud. Donc on a tous une grosse de Belges, de gens du Nord, des Parisiens, qui s'arrêtent en fait. On est vraiment une ville étape. Et il y a de la place pour tout le monde. Votre restaurant... On travaille tous. Votre restaurant à vous s'appelle Aux Terrasses. Il y a également Le Greuze, donc Johan Chapuis, Le Rempart de Sylvain Goyer, et puis le restaurant Meulien de Valérie Meulien qui vient d'arriver en fait. Vous avez toujours assisté, vous avez toujours fait partie des chefs présents à ces franco-gourmandes. C'est la troisième édition cette année. Oui. Ouais. Ah bah ouais, on adore, hein. Toute l'équipe, que ce soit la salle, la cuisine, voilà, c'est génial, on sort des murs, c'est une super ambiance, et puis voilà, on a quelque chose qui se passe à Tournus, je pense que l'une des choses c'est d'en faire partie. Quoi. Je ne vous demande pas de déflorer évidemment les surprises que vous avez prévues de faire aux visiteurs des franco-gourmandes, mais en gros, qu'est-ce que vous allez cuisiner vous cette année? Alors cette année on a trois plats, donc l'entrée on a fait un gazpacho... Cette bulle originale, c'est les tomates de mon maraîcher, les tomates sous serre. Oui. Et on fait une glace courgette avec, qui va se trouver au fond, glace courgette et moutarde. Et dessus, on a fait un pain au levain. C'est un copain boulanger qui m'a fait les pains. Donc on a fait une tartine de pain au levain avec du caillé de chèvre de chez Chauvenet, la maison Chauvenet Origny. C'est assez frappant et je me tourne vers Jean-Luc Petit-Renaud. On se rend compte que les ingrédients, si je puis dire, on parle de courgettes, de pain au levain, etc. On fait de la cuisine la plus noble qui soit avec des produits qui autrefois étaient considérés comme non nobles. C'est ça qui est étonnant. Mais c'est extraordinaire. Et le clin d'œil de Carette, c'est de mettre la moutarde. La moutarde, c'est la moutarde bourguignonne. C'est-à-dire que l'on prend un vent de plaisir du territoire, comme il dit, à ce moment-là. C'est-à-dire que cette cuisine, elle est devenue très terre-à-terre. C'est une cuisine de regard, c'est une cuisine qui hérite de la famille, mais c'est une cuisine qui hérite aussi des marchés, de tous ces gens qui proposent les plus beaux produits. Et donc, il est attentif à cela. C'est un cueilleur de papillons, vous savez, il a son épuisette et il cueille comme ça les papillons avec son épuisette. Et donc, il fait une cuisine comme ça, extrêmement inventive et fraîche. Fraîche comme un baiser de conscrit du 14 juillet, tiens. Voilà donc, rebaptisé chasseur ou cueilleur de papillons, Jean-Michel Carette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au téléphone. On vous retrouve bien entendu dans ce festival des franco-gourmandes qui se tient à partir de cet après-midi et demain à Tournus, en Saône-et-Loire. C'est totalement ouvert, hein, n'importe qui peut venir, Antoine Monin. Il y a beaucoup de réservations déjà, on attend beaucoup de monde, mais le site est grand, il y a à manger pour tout le monde, il y a de la musique pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à profiter du soleil et des bonnes choses à écouter et à déguster. Un message de Catherine qui nous dit qu'à côté de Tournus, pendant des dizaines d'années, les habitants de la Roche-Vineuse et des alentours venaient fêter la fin des vendanges autour d'une immense table, d'un verre de vin et sur la piste de danse, bien entendu. Et donc une tradition du bien-vivre dans ce coin de France. Bonjour, nous dit par ailleurs José. J'écoute l'émission sur la gastronomie. Je me permets de vous dire qu'en ce moment, au château de Kerjan dans le Finistère, alors là on s'en va loin de là, vers l'ouest, il y a une exposition sur l'alimentation au temps de la Renaissance qui reflète parfaitement tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. J'ai envie de dire, heureusement José, sinon nous serions bien. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous. On vous retrouve dimanche midi, bien entendu, comme d'habitude. Merci à tous et donc profitons de ce week-end ensoleillé. Bonjour Elena Mornin. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors on parle d'éducation financière avec les experts Europe 1, notamment pour les jeunes qui sont les premières victimes du surendettement. Comment les protéger? Comment leur apprendre à gérer un budget? Quelles sont vous les folies que vous avez faites avec vos premiers salaires? Quelles sont les folies, voire les bêtises de vos enfants? Eh bien on en parle, j'attends vos questions, vos témoignages comme chaque jour au 39-21 ou sur Europe1.fr. Vous vous souvenez de la première folie avec vos premiers salaires? Oui, j'en ai fait pas mal moi. C'était un restaurant gastronomique? Non, c'était un grand concert, beaucoup trop cher pour moi, merci. Elena, nous nous retrouvons lundi, Céline. Avec plaisir, Franck, à lundi.